Choquesse par ci, choquesse par là, c'est casa des babels. J'suis dans les jazz, retourne à la tête, j'fais kiffer mes négros. En état d'ivresse, on part à l'hôtel, besoin de me vider. J'suis dans le merco. Me couler, j'ai pas sorti la tête de l'eau. Et quand je suis râlé, j'ai bu la Jack des Ogoulos. Même bien entouré, j'ai l'impression d'être solo. J'ai fait le boulot, ils me demandent de faire les travaux. Dans la sauce, ça vend. Lundi, ça vend. Mardi, ça vend. On leur donne ce que t'as pas. On peut pas faire autrement. Si tu nous parles de plata, on arrive direct. Tu nous parles de ci, tu nous parles de ça, tu n'as pas de papier. Choquesse par ci, choquesse par là, c'est casa des babels. J'suis dans les jazz, retourne à la tête, j'fais kiffer mes négros. En état d'ivresse, on part à l'hôtel, besoin de me vider.